passer des messages. Espérer, espérer, jamais trouver un endroit pour se poser. Nous n'avons plus beaucoup de ressources. On n'a pas su négocier. Que va-t-on faire? Même en hibernation, les corps commencent à sécher. Hydrater, mais comment hydrater? Recycler nos déchets. Les grands penseurs n'arrivent plus à penser. Les religieux ne croient plus en Dieu. Les gouvernements ne gouvernent plus rien. Les banquiers et l'armée n'ont plus d'autorité. Qu'allons-nous devenir là au milieu? Là-haut.